Chapitre 5. Le lendemain matin, Lord Gerald avait changé d'avis car un domestique vint prévenir Lady Isabelle que son frère ferait avec elle la promenade désirée. Au moment d'envoyer avertir Magali qu'elle n'eût pas à se déranger, Isabelle se ravisa. Pourquoi la priver de cette promenade? Pauvre Magali, elle n'a pas tant de distractions et elle aime tellement monter à cheval. Gérald ne dira rien, bien certainement. Elle trouva son frère debout, en haut du grand perron, questionnant sur la présence d'un troisième cheval, le palefrenier qui tenait en main les montures. Il tourna vers Isabelle un visage légèrement irrité. « Qu'est-ce que me dit Willy ? » demanda-t-il d'un ton sec. « Miss Dolté nous accompagne ?»« Je le lui avais demandé hier, Gérald, lorsque vous ne deviez pas venir. » J'ai pensé qu'il vous serait indifférent qu'elle soit là, une fois par hasard. « Cela vous contrarie, cher, » dit-elle d'un ton de regret, auquel se mêlait un peu d'étonnement, en remarquant un froncement de sourcils bien connu. « Gardez-vous donc toujours votre prévention contre elle. C'est que vous ne la connaissez pas, car, en vérité, il serait difficile de trouver une âme plus exquise, une intelligence plus belle. » « C'est possible, » interrompit-il avec quelque impatience, « mais je trouve imprudent de votre part, Isabelle, d'encourager par une amitié exagérée l'orgueil d'une jeune personne qui doit en être amplement pourvue, si j'en crois mes souvenirs d'autrefois et le peu que m'en a dit Ophélia. » « Elle, orgueilleuse ? Oh, quelle idée, Gérald ! Elle ne demande qu'à vivre loin du monde, elle est si simple, si dénuée de recherche dans tous ses actes. » Ne croyez pas Ophélia, elle n'aime pas Magali. » Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres du duc. En effet, elle doit trouver cette demoiselle de compagnie fort désagréable, dit-il tout en descendant lentement les degrés du perron. Pourquoi donc, Gérald ? Il se mit à rire en frappant doucement sur l'épaule de sa sœur. Connaissez-vous si peu votre cousine, Bella ? Que vous n'ayez pas compris qu'elle détestera toujours celle qui se permet d'être plus belle et plus distinguée. Vous voyez que je suis juste malgré mon antipathie, que ne le sera jamais Lady Ophélia au cœur. Ah, c'est bien possible, dit Isabelle riant à son tour. C'est ennuyeux pour Magali, à qui Ophélia ferait volontiers la vie dure si je n'étais là. Mais si cela vous contrarie trop qu'elle nous accompagne, voulez-vous que je la fasse prévenir? « Non, on ne le pourrait maintenant sans impolitesse, d'autant plus que la voici. » Magali apparaissait en effet en haut du perron. Elle s'arrêta quelques secondes en apercevant Lord Gerald, puis descendit d'un pas un peu hésitant, la physionomie assombrie soudain. « Mon frère s'est ravisé, il nous accompagne, » dit Lady Isabelle en lui tendant la main. « Le temps est exquis ce matin, nous allons faire une charmante promenade. » Le duc salua froidement Magali et, se détournant, fit signe d'avancer la monture de sa sœur. Il mit celle-ci en selle et sauta ensuite sur son cheval, une bête toute de feu qu'avait peine à maintenir le palefrenier, tandis qu'un domestique aidait Magali. « Nous allons à la cascade, Gérald ?» demanda Lady Isabelle lorsqu'ils se furent engagés dans une allée du parc. « Si vous le voulez, » répondit-il avec indifférence. Ils partirent à un petit trot allongé. Isabelle causait avec son animation coutumière, interrogeant son frère sur ses voyages et riant aux éclats d'une aventure plaisante que le jeune homme contait avec une verve originale et un indiscutable charme. Magali demeurait à peu près silencieuse, souriant aux amusantes péripéties de ce voyage à travers une contrée peu connue de la Perse et répondant seulement par des monosyllabes au « Comme c'est curieux, n'est-ce pas, Magali ?» Autre phrase du même genre qu'Isabelle lui adressait dans l'intention évidente de la mêler à la conversation. « Êtes-vous fatiguée, chère Magali ?» demanda tout à coup la jeune fille. « Mais aucunement, Isabelle. Pourquoi ?»« Mais vous ne dites rien, vous ne causez pas. Cependant, vous causez si bien, Magali. Est-ce la présence de Lord Gerald qui vous rend muette ?» Magali sourit un peu sans répondre. Cette petite linotte d'Isabelle ne s'était probablement pas aperçue que le duc n'avait pas encore une fois adressé la parole à la compagne de sa sœur et qu'il n'appartenait pas à celle qu'il traitait si visiblement en inférieure, de se mêler à un entretien dont il semblait l'exclure. À la réflexion d'Isabelle, il tourna un peu la tête vers Magali, comme s'il s'apercevait seulement de sa présence. « Ai-je vraiment le malheur de produire cet effet ? » dit-il légèrement railleur. « J'en suis désolé. Mais convenez, Miss Dolté, que ma sœur parle pour deux. » « Gérald !» s'écria Isabelle en le menaçant du doigt. « Allez-vous encore me raisonner, même en promenade ?»« Tant qu'il le faudra, et n'importe où, » répondit-il en riant. « Vous verrez que ce n'est pas tout plaisir d'avoir un frère aîné près de soi, Lady Isabelle. »« Mais j'ai déjà Magali, Gérald. Elle me fait des remontrances, elle voudrait me rendre aussi sérieuse qu'elle. »« C'est impossible, cela !» dit Lady Isabelle en secouant sa tête blonde. « Oui, impossible, aussi bien que de devenir une savante à son exemple. »« Ah, vous êtes une savante, Miss Dolté. » Il y avait dans la voix du duc une intonation fortement ironique. « Isabelle exagère, Milord. J'ai seulement profité avec plaisir des enseignements de Mademoiselle Amélie et des professeurs de Lady Ophélia et de Lady Isabelle, dont la duchesse de Saldif a bien voulu m'autoriser à suivre les leçons. Mais quant à être savante, non, vraiment. Je ne puis que vous en féliciter. Ce n'est pas que je prétende voir les femmes éloignées systématiquement de la science. Oh, pas du tout. Je reconnais qu'elles y font parfois de bonnes besognes. Mais ceci doit rester l'exception. Et je déteste le pédantisme qui est souvent l'apanage des femmes savantes, des demi-savantes plutôt. Aujourd'hui, moins qu'autrefois, Milord. Oui, évidemment, elle pose pour la simplicité, pour le bon enfant. Hum, le sexe masculin n'a qu'à bien se tenir. Il va se voir envahi, submergé, sous l'océan des revendications féminines. Moi, je ne revendique rien du tout, s'écria gaiement Lady Isabelle. Et vous, Magali ? Magali sourit, ses grands yeux noirs, très doux et un peu pensifs, se posèrent sur le visage rieur d'Isabelle. « Pour moi, personnellement, je n'ai rien à désirer, puisque j'ai le droit au travail, que je ne prétends pas conquérir les emplois masculins, que je ne demande pas de voir renverser la loi établie par Dieu après la faute d'Ève. Mais on ne peut nier que des réformes fort utiles et belles ne se présentent et j'estime profondément les femmes qui se consacrent aujourd'hui dans tous les pays à cette tâche sociale en regrettant seulement les exagérations qui s'y glissent parfois et entraînent sur une pente dangereuse. » Elle rencontra tout à coup le regard de Lord Gérald, exprimant une certaine surprise. « Je vois que vous n'êtes pas une féministe acharnée, » dit-il en souriant. « En effet, j'admets aussi ce mouvement social dans ce qu'il a de sensé et d'utile. Mais je crois que nous pourrions faire un petit temps de galop, nous approchons de la cascade, » fit-il, rompant brusquement l'entretien. En 10 minutes, ils étaient au but de la promenade. Devant eux s'étendait une prairie veloutée et, au-delà, retombait la cascade, une cascatelle plutôt, mais réellement charmante, surtout à cette heure matinale où le soleil l'irisait et la nimbait d'or. Au loin, sur le ciel traversé de nuages pâles, se dessinaient les frondaisons sombres des forêts. Aussi loin que la vue s'étendit, et bien au-delà encore, tout appartenait au duc de Saldif, l'un des plus opulents parmi tous les lords du Royaume-Uni. « Que j'aime cette vue !» s'écria Lady Isabelle. « Gérald, nous arrêtons-nous un peu ici ?»« Je n'y vois pas d'obstacle, ma chère. » Il sauta à bas de sa monture, aida sa sœur à descendre et se détourna dans l'intention évidente de rendre ce même service à Magali. Mais la jeune fille venait d'aviser un talus, en approcher son cheval et se laisser glisser à terre. Puis, prenant la bride, elle rejoignit tranquillement Lady Isabelle qui s'asseyait au pied d'un vieux hêtre. Le duc avait eu un imperceptible mouvement d'épaule. Laissant seul son cheval qu'il avait dressé à l'attendre ainsi, il se rapprocha des jeunes filles. « Vous ne vous asseyez pas, Magali ?» demanda Isabelle. « Non, cela me repose plutôt de rester debout. Voici longtemps que je n'avais monté et je suis légèrement fatiguée. » « C'est vrai, ma pauvre amie, vous n'avez pas monté de toute cette année. Nous sommes arrivés si tard ici à cause de ce voyage en Italie, et vous ne voulez jamais m'accompagner à Hyde Park. Vous avez dû comprendre, Isabelle, que ma place n'était pas dans ce lieu de promenade si mondain au milieu de vos nobles connaissances, » dit Magali d'un petit ton ferme. Isabelle eut un geste impatient. « Vous exagérez la réserve, Magali. Je serai si heureuse de vous avoir toujours près de moi. Et vous montez si bien, ma chère. N'est-il pas vrai, Gérald, vous qui avez la réputation d'être le meilleur cavalier d'Angleterre ?»« Très bien, en effet, » répondit-il d'un ton indifférent. Il s'était adossé au tronc du hêtre et semblait en contemplation devant le paysage. « Dites-nous donc vos vers sur la cascade des fées, Gérald, » demanda tout à coup Lady Isabelle après un moment de silence. « Ils sont délicieux et ici, ils se trouveront dans leur cadre. » Il sourit et, sans se faire prier, se mit à dire des vers délicats, d'une forme sobre, où passait un souffle de poésie exquise, où semblait vibrer une âme aux envolées idéales. Et la voix chaude, extrêmement harmonieuse du jeune homme, augmentait le charme de cette évocation de la vieille légende où les fées lumineuses et coiffées d'un arc-en-ciel traversaient l'eau écumante de la cascade pour venir se jouer sur le velours des prairies. Magali écoutait, ravie, ses strophes irradiées de lumière, et son visage expressif reflétait si bien les impressions de son âme que Lady Isabelle s'écria, lorsque la dernière syllabe fut tombée des lèvres de son frère, « Vous semblez tout à fait sous le charme, chère Magali. Je ne me doutais pas que sa grâce possédât à un si haut point ce don de la poésie, » dit Magali d'un ton où vibrait quelque chose de son secret enthousiasme. Le regard de Lord Gérald l'effleura, puis se détourna aussitôt. Sans doute, le duc de Saldif jugeait tout à fait dépourvu d'intérêt l'opinion d'une humble demoiselle de compagnie. « Dites-nous quelque chose aussi, Magali, » demanda Lady Isabelle. « Quelque chose de vous. Car elle est poète aussi à l'occasion, Gérald, et je vous assure que j'ai découvert des petites pièces charmantes. »« Ah, elle est poète, » dit-il d'un accent légèrement ironique. « N'encouragez pas trop Miss Otley sur ce point, Isabelle. Je ne voudrais pas défendre ce petit passe-temps inoffensif, mais il me paraît que les poésies féminines, à moins d'un réel talent, ne doivent pas sortir de l'intimité. D'abord, vous ne savez pas si Magali n'a pas ce talent, Gérald, dit Lady Isabelle avec quelque impatience. Oh, certainement, je ne le lui conteste pas, soyez-en certaine, répliqua-t-il d'un ton indifférent en se penchant pour passer une main caressante sur la tête du superbe épagneul qui avait suivi les promeneurs et se tenait sans bouger près de son maître, ses grands yeux tendres levés vers lui. Je parlais en thèse générale. Mais pourquoi n'étendez-vous pas cette restriction aux poésies masculines où la médiocrité ne manque certes pas ? Parce qu'il m'est toujours particulièrement désagréable de voir une femme se rendre ridicule, répondit-il froidement. Magali s'était un peu détournée, elle regardait machinalement un petit nuage blanc, de forme singulière, qui s'en allait là-bas, vers la ligne sombre des forêts. Il était vraiment impossible, sans dépasser les bornes de la politesse, de se montrer plus désobligeant que ne l'était Lord Gérald. Décidément, il n'avait pas changé, et ce n'était pas elle, Magali, qui se rangerait parmi ceux qui le célébraient sur tous les tons. « Je crois que nous pouvons rentrer, Gérald, » dit Lady Isabelle en se levant. Elle semblait un peu contrariée et avait adressé à son frère un coup d'œil de timide reproche dont il ne parut pas s'apercevoir. « Quand il vous plaira, Bella, auparavant, voulez-vous que nous allions un peu plus à gauche ? Il y a, à cette heure, un effet d'arc-en-ciel fort curieux. » Ils s'éloignèrent à une centaine de mètres. Magali demeura immobile, la main appuyée sur l'encolure de sa monture, les yeux vaguement fixés sur le petit nuage qui filait là-bas. Cet orgueil d'autrefois était-il donc si mal réprimé qu'il produisait encore en elle cette amertume, cette tristesse de se sentir tolérée seulement, obligée de subir la générosité d'étrangers et d'endurer mille petites piqûres d'amour-propre? Et n'était-ce pas aussi la version d'autrefois, étouffée mais non détruite, qui se réveillait à l'égard du duc de Saldif ? Quelque chose de la petite Magali de jadis reparaissait en cette minute. Elle luttait avec peine contre cette impression, et ce combat se reflétait sur son expressive physionomie, dans les prunelles veloutées qui regardaient toujours, mélancoliques et distraites, ce petit nuage blanc. « Nous partons, Miss Dolté, voulez-vous accepter mon aide ?» Elle se détourna vivement au son de cette voix brève. Lady Isabelle était déjà à cheval et Lord Gérald s'avançait vers Magali. Elle jeta un coup d'œil de regret vers le talus. Si elle eût osé, comme elle aurait refusé l'offre que lui faisait le jeune homme, avec sa hautaine politesse de grand seigneur, accomplissant une obligation indispensable envers une femme. Mais cela ne se pouvait sans singularité. « Vous auriez peut-être préféré le talus, » dit-il, imperceptiblement ironique, tout en se courbant et en présentant la main pour la mettre en selle. Elle rougit légèrement en voyant que son regard avait été aperçu et compris. Mais elle répondit d'un ton tranquille, où passait malgré elle une intonation un peu mordante. « J'aurais surtout préféré épargner cet ennui à votre grâce. » « Je n'ai aucun ennui à avoir pour un acte aussi simple, » répondit-il avec froideur. Il s'éloigna et rejoignit sa monture. Un peu après, les promeneurs reprenaient la direction d'Oker Park. Lord Gérald causait avec verve. Il interrogeait sa sœur sur les hôtes encore attendus. Et tout à coup, l'interrompant, « À propos, ma chère, j'ai oublié de vous dire que vous allez voir un oiseau rare. » J'ai rencontré à Mandalay le vieux Lord Lowothed, je l'ai retrouvé à mon récent voyage à Londres, et, merveille des merveilles, j'ai fini par le décider à nous honorer quelque temps de sa précieuse présence. » Lady Isabelle éclata de rire. « Vous êtes très fort, Gérald. Comment ce pauvre Lord pourra-t-il s'immobiliser loin de ses chères médailles ? Lord Lowothed est un de nos parents, très éloigné du reste. » ajouta-t-elle en se tournant vers Magali. Il est à la fois numismate ardent et globe-trotteur acharné. Ses deux passions se partagent sa vie, elles le tirent dans un sens et dans un autre, car à Londres il possède sa chère collection, mais la folie des voyages le repousse hors du logis. Ainsi, son cœur ne se trouve jamais content. Mais il n'était pas tout à fait ainsi autrefois, Gérald. « Non, pas tout à fait. Il était très original déjà, mais non pas maniaque. C'est seulement à son retour d'Amérique, après cette bizarre disparition de sa nièce, qu'il commença de se donner tout entier à ses deux passions, déjà fort développées chez lui. Oui, figurez-vous, Magali, que Lord Frederick Lowthead avait une nièce, orpheline, qu'il avait élevée et aimée comme sa fille. Il emmenait toujours dans ses voyages à travers les deux mondes. Une année, ils partirent pour l'Amérique du Sud, puis, un an plus tard, Lord Lowothed revint seul. Aux questions qui lui furent faites sur sa nièce, il répondit sur un ton de colère froide « Ma nièce n'existe plus, ne m'en parlez jamais. » Et on n'en sut pas davantage, on n'entendit plus parler de cette jeune personne qui se trouve aujourd'hui, si elle vit encore, l'héritière du nom et de la fortune des Lowothed. Toute descendance masculine était éteinte, n'est-ce pas, Gérald ? Oui, et à défaut de cette nièce, l'héritage se transmettrait à une cousine éloignée. Qu'a donc votre cheval, Miss Dolté ? Il paraît avoir peine à soutenir le petit trot. En effet, Milord, je le sens faiblir. Lord Gérald, passant derrière la monture de sa sœur, vint se placer à la droite de Magali. Il se pencha pour examiner le cheval qui reniflait d'une manière singulière. En se redressant, sa cravache, qu'il tenait de la main gauche, effleura le visage de Magali. Celle-ci ne put réprimer un instinctif mouvement en arrière. Le duc eut un léger tressaillement, un peu de rougeur monta à ses joues. Il rencontra le regard de Magali, assombri soudain. Chacun d'eux, en cette seconde, eut conscience que se dressait entre eux le souvenir de la petite scène d'autrefois. Le duc, détournant les yeux, dit d'une voix légèrement changée « Je vous demande pardon, ne vous ai-je pas fait mal ?»« Aucunement, milord, » répondit-elle avec froideur. Il alla reprendre sa place près de sa sœur en disant d'un ton irrité « ce Tollwill devient véritablement incapable. A-t-on idée de faire sortir un cheval en cet état ?» Ce petit incident paraissait l'avoir assombri, car il ne répondait plus que par monosyllabes aux propos de sa sœur, qui avait seule conservé son entrain. Magali n'avait plus à douter de la véritable cause de l'antipathie conservée à son égard par le duc de Saldif. Ce jeune lord si orgueilleux, ce parfait homme du monde, ne pouvait en effet lui pardonner d'être cause pour lui d'un humiliant souvenir, celui d'avoir frappé une femme, celle-ci ne fût-elle encore qu'une enfant, pas plus qu'il n'oublierait certainement qu'il avait dû tout à l'heure rougir devant elle à ce même souvenir. On dirait votre secrétaire qui arrive là-bas, Gérald, dit Lady Isabelle en désignant avec sa cravache une longue silhouette masculine s'avançant en sens inverse. En effet, c'est lui. Vous m'aviez dit qu'il était malade ce matin? Oui, il est sujet depuis un long séjour aux Indes à de pénibles accès de fièvre qui le laissent le matin brisé et incapable de tout travail. Une petite promenade en plein air le remet très vite. Le secrétaire approchait. On distinguait maintenant son corps très maigre, sa face longue, glabre, au teint jauni, ses cheveux un peu roux et grisonnants. La tenue de ce personnage était d'une extrême correction. En approchant des promeneurs, il se découvrit avec empressement. L'épagneul, qui, jusque-là, courait et bondissait autour des chevaux, tomba en arrêt devant lui et se mit à gronder sourdement. « Ici, Alary ! Décidément, vous n'êtes pas dans ses bonnes grâces, Roswell, dit le duc en immobilisant sa monture. Eh bien, cette fièvre ?»« Elle est passée, milord, pour cette fois encore. Je remercie votre grâce et serai à sa disposition quand il lui plaira. » Soignez-vous aujourd'hui, Roswell, nous verrons cela demain, répondit Gérald en lui adressant un geste bienveillant et en remettant son cheval en marche. Non, décidément, je n'aime pas cette tête, murmura Lady Isabelle. Et vous, Magali? Moi non plus, répondit spontanément Magali. Elle avait rencontré au passage le regard du secrétaire, et ses yeux gris, durs et glacés, lui avaient produit une sensation étrangement désagréable. En traversant le hall pour gagner l'escalier, Lady Isabelle dit à son frère, après que Magali eut pris congé d'eux, « Si j'osais, je vous gronderai aussi, Gérald. Vous avez été vraiment bien peu aimable pour cette pauvre Magali. »« Parce que j'ai maintenu les distances, dit-il froidement. » « Je vous engage fortement à m'imiter, Isabelle, en modérant votre amitié pour cette jeune personne. Je me doute qu'elle est demeurée susceptible et orgueilleuse, et ce sera lui rendre service que de la laisser à sa place, au lieu de lui accorder une importance qui flatterait son amour-propre. » Mais Lady Isabelle secoua impatiemment la tête. « Gérald, vous exagérez. Non ? Je ne cesserai pas d'aimer ma chère Magali, d'en faire ma meilleure amie, car j'ai reconnu que personne ne la valait. Et vous le reconnaîtrez aussi, Gérald, bien certainement. » Oh oh, il faudrait voir cela, dit-il avec un sourire railleur. Je veux bien, s'il ne faut que cette petite constatation pour vous contenter, reconnaître que votre chère Magali a le plus pur type de beauté grecque qu'il m'ait été donné de rencontrer, qu'elle a l'allure d'une reine et monte à cheval avec une incomparable élégance. J'ajouterai qu'elle doit avoir une intelligence peu ordinaire, à en juger par l'expression de son regard. Tout cela est incontestable, vous le savez, et elle encore mieux probablement. Oh, Gérald, pauvre petite Magali, elle qui n'a pas un atome de coquetterie et qui se soucie si peu d'elle-même. Ne vous en êtes-vous pas aperçu, voyons ? Il leva les épaules avec un peu d'impatience. « Mais, ma chère, je vous prie de croire que je ne me suis pas occupée à étudier le caractère de cette étrangère. Cela m'importe peu en vérité. Cependant, il me semble que vous devriez vous montrer bon et délicat pour elle, précisément parce qu'elle est pauvre et se trouve votre obligée, » dit vivement Isabelle en levant vers son frère un regard de reproche. Il doit être très dur pour elle, si fière, de devoir quelque chose à un étranger, surtout si celui-ci lui fait trop sentir sa supériorité sociale. « Il me paraît, Isabelle, que nous avons assez parlé sur ce sujet, » dit-il d'un ton sec, avec un certain froncement de sourcils, qui rappela soudain à sa sœur que cette volonté impérieuse n'avait jamais souffert les reproches.